messieurs, Michael Maiero faire plane seul dans l'espace. Une balle cosmique entre la poussière Sterling. Les planètes chuchotent, mais elles seront silencieuses. Parce que la destruction s'approche et que tout devient tordu. Il voit la Terre crier pour lui, mais sa mission ne s'est pas pardonnée. Les astéroïdes dansent le chaos en cercle. Monsieur Michael Maillet, on ferre à l'air et reste glacial blanc. Les flammes de fusée colorent la nuit. Une comète comme une flèche dans l'histoire rit. Entre Mars et Jupiter, le jeu est difficile. Monsieur Michael Maillet au fer dirige qu'il reste au frais et séparé. Flotter en rien avec des éclats et des braises. Ce qui reste quand tout s'épuise, son cœur bat fortement, mais l'espoir s'enfonce. Étincelle dans toutes les noyées lentement. Michael Maillet offert où cela mène.